visualiser la capacité à confiance des femmes. Taylor Van Damme n'en parlait pas. Dembla Mokanya. Arthur Tombe. Judith Kimba. J'ai un coco changé. Des années naïo. On nourrit mon espoir si moi comme un tel naïo. Ma belle on s'en sera naïe. Et ça la belle va être. Sauf qu'on continue comme on va nous sonner à l'ouïe. Quand on va la mettre si fort. Excellence Anastasia Martin d'Aki. Angela Nisandra. Patron Jean Assoumani. Magistrat Chamara. Igor Demi. Papa Tanatina.